Connaissez-vous Alice Guy, pionnière du cinéma français? Bien peu de Français connaissent Alice Guy, née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé et morte le 24 mars 1968 dans l'État du New Jersey aux États-Unis. Pourtant, elle a joué un rôle essentiel à la fois en France et aux États-Unis dans les débuts du cinéma. À l'âge de 21 ans, elle est engagée comme secrétaire de direction au comptoir général de la photographie, un magasin spécialisé dans les articles photographiques. Elle fait alors la connaissance d'un autre employé, Léon Gaumont, qui rachète l'entreprise en gardant son personnel. Après avoir assisté à une projection des frères Lumière, Gaumont commercialise des appareils chronophotographiques comme le phonoscope, mais ces appareils ne font pas le poids face au très ingénieux cinématographe mis au point par Louis Lumière et Jules Carpentier. Alice Guy, qui est désormais la secrétaire de Léon Gaumont, propose d'offrir aux clients du phonoscope quelques vues comiques dans l'esprit de l'arroseur arrosé des frères Lumière. C'est ainsi qu'en 1896, alors qu'elle n'a que 23 ans, elle réalise « La fée au chou », l'histoire d'une fée qui extrait d'un chou un nouveau-né qu'elle montre ravie à la caméra. Conquis à son tour par le cinématographe des frères Lumière, Léon Gaumont développe la production de films et lance la création d'un important réseau de distribution et de salles. Très vite, le cinéma français s'impose comme le leader du marché mondial, produisant plus de films que toutes les sociétés américaines. Comme « La fée au chou » a rencontré un réel succès, Léon Gaumont confie à Alice Guy la direction d'un service spécialisé dans les vues animées de fiction. Elle exercera cette responsabilité de 1896 à 1907 en tournant elle-même les premières bobines puis en choisissant ses collaborateurs. En 1898-99, Alice Guy innove dans le choix des sujets en réalisant « La vie et la passion de Jésus-Christ », souvent considéré comme le premier péplum de l'histoire du cinéma mondial. Au total, Alice Guy a réalisé plusieurs centaines de films très courts, comme le sont tous les films à l'époque, et dans tous les genres possibles. Plusieurs de ses sujets abordent notamment la question des inégalités entre hommes et femmes en se moquant des clichés sur le désir féminin. En 1910, Alice Guy, qui s'est installée avec son mari aux États-Unis, monte sa propre société, la Solax, qui devient l'une des plus grandes maisons de production des États-Unis avant l'émergence d'Hollywood. Elle y tourne des mélodrames, des westerns, mais aussi des films sur la question raciale. En 1912, elle réalise « A Fool and His Money », l'un des tout premiers films joués uniquement par des acteurs afro-américains. Mais après la Première Guerre mondiale, son horizon s'assombrit. Sa société fait faillite et son mari la quitte. Divorcée et ruinée, elle rentre en France avec ses deux enfants, mais ne parvient pas à retrouver un emploi, ni à la Gaumont, ni auprès d'autres sociétés de cinéma. Elle meurt en 1968 aux États-Unis, à l'âge de 94 ans, sans avoir pu rassembler les films de sa carrière. Pour honorer la mémoire de celle qui fut la première réalisatrice de l'histoire, le prix Alice Guy a été créé en 2018, qui récompense chaque année un film réalisé par une femme. En 2021, c'est la réalisatrice Maïmouna Doucouré qui a reçu le prix Alice Guy pour son film « Mignonne ».